Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Histoire vivante, une émission de Jean Leclerc. La radio de la junte militaire ne cesse de répéter que Makarios a été tué. C'est faux, il est en vie. Cette semaine, les crimes d'Henry Kissinger. Du Chili à Chypre, du Bangladesh au Vietnam, quatre crises majeures pour la diplomatie américaine. Vous en foutez le tout. En Amérique, vous prenez une aspirine comme ça, parce que vous pesez 100 kilos. Moi, en petit vietnamien, je prends une aspirine comme ça parce que je ne pèse que 50 kilos. Troisième volet des aventures d'Henry Kissinger, le plus célèbre diplomate que l'administration américaine ait jamais eu dans ses rangs et qui, aujourd'hui, à la lumière d'un ouvrage de Christopher Hitchens paru il y a peu, Les crimes de M. Kissinger, paru aux éditions Saint-Simon, fait de nouveau parler de lui, mais cette fois-ci dans des termes moins flatteurs. La parution du bouquin était passée plus ou moins inaperçue, jusqu'à ce qu'un article relance la polémique. Pour nous en faire une idée plus complète et rappeler un peu les faits, je vous propose que nous regardions de près cet article. Il est paru dans l'hebdomadaire new-yorkais Village Voice, daté du 15 août 2000. L'ex-secrétaire d'État, âgé aujourd'hui de 74 ans, s'y trouve surnommé le Milosevic de Manhattan. L'homme de Nixon a fait en toute conscience des États-Unis l'allié de régimes dictatoriaux ennemis des droits de l'homme, en Amérique du Sud, au Timor oriental, au Cambodge. L'un après l'autre, des gouvernements étrangers tentent de mettre la main sur Kissinger de la même façon que pour Pinochet ou Milosevic. Chili, France, Argentine, lentement, ils se rapprochent. Au nombre des affaires, Christopher Hitchens fait également apparaître le Bangladesh dont nous allons parler aujourd'hui. Pour cela, transportons-nous à la fin des années 40. Chapitre 1. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Situé aux confins du Tibet, de l'Afghanistan et du Pakistan, le Cachemire revêt une valeur géostratégique notable au sein du sous-continent indien, plus pour sa position géographique que pour son sous-sol. Mais il n'empêche, bien que ne représentant que peu d'intérêt économique pour l'Inde, le Cachemire a pour sinistre vocation d'être le lieu principal d'affrontement entre deux géants qui n'en finissent pas de ne pas trouver la paix dans cette partie de l'Asie. Depuis 1947, depuis la partition de l'Inde, le Cachemire fait partie de cette multitude d'États princiers, on en compte plus de 500, composant une partie du territoire indien. Chacune de ces principautés est alors invitée à s'intégrer le plus vite possible à l'un des deux géants au gré de leurs préférences. Alors là, il y a le Pakistan et là, il y a l'Inde, donc vous choisissez. Alors, facile, cela l'est effectivement pour la plupart d'entre elles, la plupart de ces principautés, le choix relevant de l'évidence. Les hindous s'intègrent à l'Inde, bravo, et les musulmans au Pakistan. Mais, rappelons-nous l'adage, ce serait trop simple si c'était facile. Trois États se retrouvent comme deux ronds de flanc. Si vous préférez, ils ont des difficultés de choix. Et oui, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Laissons, si vous le voulez bien, en route deux d'entre eux pour nous intéresser principalement au Cachemire. Chapitre 2. Une petite principauté destinée à un grand destin. Le Maharaja de cette principauté à majorité musulmane hésite à demander son rattachement à l'Inde. Une rébellion contre son palais menée par de lointaines tribus soutenues par les Pakistanais va achever de le décider. Le prince demande l'aide militaire de l'Inde et accepte l'idée d'adhérer à l'Union indienne, celle-ci de son côté, proposant aussitôt que les troupes irrégulières auront levé le camp, les troupes pakistanaises, elle propose de laisser le peuple choisir à sa guise. Cette entente, figurant officiellement dans l'acte d'adhésion du Cachemire à l'Inde, est entérinée par le cheikh Abdullah. Retenez bien ce nom, dirigeant des musulmans et du grand parti Cachemiri, la conférence nationale. Je vous le donne en mille, savez-vous le surnom que l'on donne ou que l'on donnait au cheikh Abdullah, le lion du Cachemire? Massoud fut le lion du Panchir et Abdullah celui du Cachemire. Sur la photo finish, s'il y en avait une, il serait pas facile à départager ces deux-là. Mais revenons à notre entente. De fait, ça ne va pas du tout se passer comme c'était prévu. De référendum, il n'y aura point. En revanche, du bourre-pif, il y aura de la distribution. Tolstoï l'avait écrit, après la guerre, la paix, on sort le drapeau blanc, tout le monde dit pouce, on rengaine l'artillerie, on prend une carte, un crayon et on trace en pointillé une ligne de cessez-le-feu. Voilà, une fois tracé, qu'est-ce qu'on constate? Ah bah, il y a deux Cachemires. Bon, un qui est libéré, l'autre qui l'est point. Ça va pas nous faciliter la vie tout ça. Au cours des années qui suivent, Inde et Pakistan se regardent en chien de faïence, la main dans le holster, toujours prêt à dégainer ou à dégoupiller dès qu'un des deux éternue. 1965, ça rate pas. En plein été, sur la ligne du cessez-le-feu, qu'est-ce qu'on entend ? Quelques mois passent, on ressort le drapeau blanc, on dit pouce, on rengaine, on se donne rendez-vous autre part, sur place il n'y a plus un tabouret pour s'asseoir, et on décide Tashkent en URSS. Mais là on prend pas de carte, hein, on prend un papier, un stylo et on écrit. Si tu recules, je recule aussi. Bon bah d'accord, bah alors recule d'abord. Non, d'accord, mais si je recule d'abord, tu recules après. D'accord. Voilà. Bon, bref, tout le monde est d'accord, et c'est pourquoi on appelle ce traité les accords de Tashkent. Peu de temps après, sur les ondes de la radio romande, Jean Retz, le correspondant à la Nouvelle Delhi, fait le point de la situation et revient notamment sur la libération du cheikh Abdullah, le lion du Cachemire, après 14 ans d'emprisonnement. Depuis qu'en 1953, il s'est fait l'avocat de la cause de l'autodétermination au Cachemire, il n'est pratiquement pas sorti de prison. Nehru, qui était un de ses vieux amis et qui avait toujours une mauvaise conscience en ce qui concerne la politique indienne au Cachemire, avait relâché Abdullah au printemps de 64. Après une réception triomphale de la part de ses compatriotes, le cheikh, d'accord avec Nehru, se rendit au Pakistan pour rencontrer le maréchal Ayub Khan et pour voir s'il serait possible enfin de régler cette dispute du Cachemire, dispute qui dure depuis 20 ans et qui a provoqué l'absurde guerre de 1965 entre deux pays, qui continue d'ailleurs depuis lors de se ruiner dans une course aux armements d'autant plus choquante que leurs peuples sont en proie à la misère et même à la famine. Lorsque le cheikh se trouvait à Rawalpindi, la soudaine mort de Nehru va interrompre ses efforts. Bientôt, il fut remis en prison, et c'est aujourd'hui seulement que, redevenu un homme libre, il peut espérer reprendre la mission à laquelle il est resté fidèle toute sa vie, réconcilier l'Inde et le Pakistan. Pourquoi cela ? Eh bien, les Cachemiris, qui volontairement ou non se trouvent au sein de l'Union indienne, appartiennent pour la plupart à la religion islamique. Personne n'a donc autant intérêt à voir les musulmans et les hindous vivre en bonne amitié. 700 millions d'un côté, 100 millions de l'autre, une masse humaine considérable que les grandes puissances tentent à l'époque plus ou moins de calmer. C'est ce que nous rappelle Jean Retz. Moscou et Washington se trouvent parfaitement d'accord aujourd'hui pour vouloir la paix dans cette partie du monde. Surtout depuis la conférence de Tashkent, conférence qui, il y a 2 ans, avait vu le président Ayub et le premier ministre indien Lal Bahadur Shastri promettre qu'il ne recommencerait pas à se battre, depuis lors, les conseils pressants des Russes et des Américains poussent les Rawalpindi vers une réconciliation. C'est certainement là l'une des raisons qui ont encouragé Mme Gandhi à libérer le cheikh. Mais cela ne signifie nullement que l'Inde soit prête à abandonner le Cachemire. Les passions nationalistes qui sont très vives au pays du Mahatma Gandhi ne laissent qu'une étroite liberté de manœuvre au gouvernement. Tout au plus, pourrait-on envisager ici un régime un peu plus autonome pour les habitants de la vallée de Srinagar ? Encore faudrait-il plus de confiance réciproque entre Indiens et Pakistanais pour que l'amorce même d'une discussion soit possible. Or, ce n'est guère le cas. À peine la libération du cheikh a-t-elle éveillé quelques espoirs, qu'une autre querelle vient d'éclater. Autrement dit, il est un point sur lequel le cheikh Abdullah a certainement raison. Aucune réconciliation entre les frères ennemis de l'Inde et du Pakistan ne sera possible avant que chacun se décide sincèrement à oublier les raisons de se battre pour voir à nouveau tout ce qui devrait rapprocher les deux peuples. C'était Jean Vett qui nous a parlé de New Delhi. Chapitre 3. Des pays en poupée russe. Ce n'est pas la présence au pouvoir du très redouté mais très efficace général Ayub Khan qui arrangera la situation. Pourtant, depuis qu'il a pris les rênes du gouvernement en un coup d'État sans effusion de sang, s'il vous plaît, hein, c'est pas tous les jours, ça se signale, les affaires publiques sont reparties dans le bon sens. La corruption est en grande partie enrayée, de même que le marché noir. D'élections par le suffrage universel aux différents regains d'une économie en plein essor, on parle de miracle pakistanais. Mais ce dernier conflit indo-pakistanais annonce le commencement de la fin. La hausse du budget militaire met du plomb dans l'aile à l'économie. Le président Ayub s'entoure de courtisans et de flatteurs que sa santé déclinante ne lui permet plus de distinguer. La corruption repart au galop, désordre et troubles vont ainsi aller crescendo jusqu'en mars 69. Au Pakistan oriental, un homme va dès lors émerger à la suite des premières élections au suffrage universel dont il sort victorieux. C'est le chef de la Ligue Awami, le Cheikh Mujibur Rahman. En face, c'est-à-dire à l'ouest, c'est le PPP, le Pakistan's People Party d'Ali Bhutto, qui remporte les élections. Entre ces deux Pakistans, des revendications opposées vont se multiplier jusqu'à ce qu'en mars 1971, l'armée pakistanaise intervienne massivement. Mujibur Rahman profite de cette intervention et réclame l'indépendance. C'est le début de l'insurrection. L'armée indienne entre en lice. Pakistan et Inde, de nouveau face à face. Le 17 décembre 1971, la radio romande, au travers de cette dépêche, fait un rapide état des lieux. Au micro, Christian Sulzer. Le général indien Sam Manekshaw lance un dernier appel au commandant de la place, le général pakistanais Niazi Farman Ali. I have sent out two messages already, but there has been no response from you so far. J'ai déjà envoyé deux messages, mais je n'ai pas eu de réponse. Je répète que toute résistance est vaine et entraînerait la mort de nombreux pauvres soldats qui sont sous votre commandement. Je vous garantis mon entière protection et un traitement décent conformément à la Convention de Genève. Dhaka est complètement cerné par mes troupes et votre garnison va subir le feu de mon artillerie. Tous mes officiers ont des instructions pour ne pas faire couler le sang. Si vous continuez à résister, veillez à éloigner les civils et les ressortissants étrangers du lieu des combats. Dans le désordre et le chaos absolu d'un pays en pleine guerre civile, va émerger le nom d'un nouvel État, le Bangladesh. Ce que chante cet enfant, c'est l'hymne national du nouvel État, le Bangladesh, un pays issu de la partition entre Pakistan oriental et Pakistan occidental, lesquels sont soutenus de part et d'autre par les deux géants, Inde et Pakistan, eux-mêmes issus de la partition. Le nouvel État ne se contente pas d'un hymne, il fonde aussi sa radio, la radio du Bangladesh, dans laquelle, dans une ambiance de liesse et de joie non dissimulée, les tubes se suivent sans discontinuer. Cette chanson, à la gloire du tout nouvel état du sous-continent indien, le Bangladesh, vous pouvez l'entendre sur les ondes 4 à 5 fois par jour. Elle chante les charmes et les promesses du Bengale d'or. আবার যে ফিরে যাবো আমার হারানো রং লাগে আবার তো ফিরে পাবো শিল্পে কাব্যে কোথায় আছে হায় রে এমন সোনার D'ordinaire, l'attachement à sa terre et à son pays s'accompagne de l'inévitable nationalisme, cousin pénible et insupportable dans son exaspération permanente. Mais là, imaginez un peu, un nouveau pays. Baignant dans un nationalisme à fleur de derme, qui retrouve-t-on ? Mumu, alias Mujibur Rahman, le héros pleine peau et plein pot. Au tout début de l'année 1972, le 17 février très exactement, la radio romande lui consacre une émission Archive 11192. Amar Bangladesher Satro Somik Kishore Buddhijibi Sepai Police Jonogonke Hindu Musulmanke. Dans sa déclaration, Mujibur Rahman proclame le nouveau drapeau. L'ancien, celui du Pakistan, est rejeté. Puis il remercie les étudiants, les Mutibaini, qui ont libéré le Bangladesh. Les remerciements, il les adresse évidemment au peuple, qui a souffert tant et tant pour la même cause. Tant qu'à faire, autant se mettre dans la poche. Et le plus grand nombre, et les intellectuels, c'est toujours ça d'assurer. Mais Mujibur Rahman n'a pas à forcer sa nature. En aucun cas, il ne saurait être considéré comme un usurpateur, lui qui a tant donné de lui-même dans les années de prison qu'il a endurées. Le long désert de ma vie est maintenant traversé. Mon peuple Bangladesh est maintenant libre. Quand j'étais en prison, mon peuple se battait pour la liberté. Personne ne pourra plus jamais tenir sous sa domination mon peuple du Bangladesh. Car nous sommes maintenant indépendants, je ne sais comment remercier ceux qui sont morts pour la liberté. Je prie Dieu pour que leur âme repose en paix. Nous avons droit à cette terre, car nous y sommes nés. Nos corps sont faits de cette même substance, et nous nous battrons pour la défendre. Ce chant patriotique de résistants bangladeshi, Matir Manouche, est interprété par la chanteuse Mangal Barua, de la province de Chittagong. Matin manush matiniya shara din khatai Matin manush matiniya shara din khatai Mati shone khola khuli Matir kole shuya nidra jai Matin manush matiniya shara din khatai মাটির মানুষ মাটি নিয়া সারাদিন কাটাই মাটির সঙ্গে কোলা কুলি মাটির কোলে শুইয়া নিদ্রা যাই মাটির মানুষ মাটি নিয়া সারাদিন কাটাই পরিশ্রান্ত হলে মাটির বুকেতে বিশ্রাম এই মাটিতে ফসল ফলাই দিয়া মাথার ঘাম মাটি মোদের স্বর্গ সুধা মাটির কোলে শুইয়া নিদ্রা যাই মাটির মানুষ মাটি নিয়া সারা দিন কাটাই মাটির মানুষ মাটি নিয়া সারা দিন কাটাই মাটির সঙ্গে হোলা কুলি মাটির কোলে শুইয়া নিদ্রা যাই মাটির মানুষ মাটি নিয়া সারা দিন কাটাই এই মাটিতে মোদের জন্ম গতই অধিকার অস্বীকার করিবে যে সে দৈত্য দুরাচার মাটির মানুষ মাটি নিয়া সারা দিন কাটাই মাটির মানুষ মাটি নিয়া সারা দিন কাটাই Chapitre 4 Mujibur Rahman, le chèque de l'année 1972. À n'en pas douter, l'Occident observe avec un intérêt non dissimulé l'émergence de ce nouveau pays enfoui au cœur du sous-continent indien, le Bangladesh. Mais un homme attise toutes les curiosités, le Premier ministre, un leader pour son pays. un homme nouveau pour l'Occident qui chaque jour fait la une des journaux bengali, Mujibur Rahman, surnommé Mujib et aussi appelé Bangabandhu, l'ami du Bengale. Pour nous en parler, Arshad Uzzaman, homme du tout nouveau gouvernement du Bangladesh, qui nous dit à présent un peu mieux qui est Mujibur Rahman. Eh bien, Sheikh Mujibur Rahman, n'est-ce pas, c'est le créateur du Bangladesh. Et vous dites qu'il est peu connu à l'étranger. C'est peut-être à cause du fait qu'il menait sa lutte ici, au Bangladesh même, qui faisait partie du Pakistan. Or, le Pakistan, c'était l'Ouest qui était le Pakistan vraiment, parce que le monde extérieur ne connaissait que l'Ouest. C'est pourquoi on n'a pas beaucoup entendu parler probablement à l'étranger de Sheikh Mujibur Rahman. Mais effectivement, depuis 1948, on peut dire, c'est lui qui a mené la lutte pour la souveraineté et pour que le peuple de Bengale trouve leur personnalité, et finalement ça aboutit à la création de Bangladesh. Il a été souvent en prison à cause de ce mouvement qui a été considéré par le gouvernement du Pakistan à l'Ouest comme un mouvement de sécession, etc. Mais en vérité, il luttait pour son peuple qui a finalement abouti à la création de Bangladesh. Donc, on ne peut pas séparer Bangladesh de Mujib. C'est effectivement le Bangladesh de Mujib. Depuis un mois qu'il est aux manettes, les discours de Mujibur Rahman ramènent souvent le socialisme sur le tapis. Vous me direz, dans la région, c'est une spécialité, mais ne nous égarons pas dans de mauvais calembours et poursuivons l'entretien avec Arshad Uzzaman, homme du nouveau gouvernement bengali, qui nous parle de la dernière tendance à la mode, le mujibisme. N'est-ce pas, mujibisme, je ne sais pas exactement comment on peut définir. En ce qui concerne le socialisme, comme vous le savez, ici, nous avons une pression énorme sur notre terre. C'est l'un des pays où la densité est peut-être la plus grande. Ça ressemble à peu près à la Belgique ou la Hollande, et même plus. Tandis que Belgique, Hollande, etc. ont des industries, ont une économie extrêmement développée. Et ici, tout tombe sur la terre. Alors, c'est pourquoi une meilleure répartition de produits et de biens est inévitable. Et sans ça, on aura une explosion sociale. Le nouvel homme fort du pays fait figure de nationaliste, certes, mais c'est un nationaliste modéré dont l'une des principales obsessions est celle du revenu par habitant. C'est tout au moins en ces termes qu'Arshad Uzzaman, le conseiller en communication du nouveau gouvernement du nouvel État, le Bangladesh, conclut cet entretien. Faut-il se contenter de ce point de vue dont la spontanéité officielle pourrait nous laisser perplexes ? Allons demander à un observateur plus impartial de nous donner son point de vue sur Bangabandhu. Le Sheikh Mujibur Rahman est un personnage très aimé par la population. On pourrait même dire qu'il a le charisme et la personnalité très forte quand il parlait dans les foules. Mais dans son background, dans son passé, il n'a pas toujours été très honnête. Il a aussi été le ministre de l'anticorruption au Pakistan, le ministre du commerce, et il a été mis en prison pour corruption. So, je crois que c'est une personnalité très forte, mais je ne pense pas qu'il puisse continuer à diriger le pays de cette manière. Et je pense qu'il faut expliquer que le Sheikh Mujib a toujours été dans l'opposition. Il a toujours été contre le gouvernement en place. Et maintenant, il se trouve à la tête de l'État. Aussi, maintenant, il doit commencer à construire quelque chose. Il doit commencer à diriger le pays. Et c'est très difficile pour lui de faire cette différence et de changer sa politique. Il n'y a pas à torpiller, c'est bien en variant les sources qu'on affine son point de vue. Autrement dit, pour Mujibur Rahman, adepte jusque-là du système D, va falloir envisager la reconversion et devenir un honnête ministre. C'est pas facile à prononcer ça, honnête ministre. Alors nous sommes passés en prison, nous avons été libérés, la règle est inévitablement la même à chaque partie, retour à la case départ. Retour à Henry Kissinger. Le 18 février 1972, Jean Martel, dans sa série de magazines consacrée au Bangladesh, concluait ainsi. Laissons pour conclure le père Fanon, d'origine belge, mais aujourd'hui, après 35 ans de vie en Inde, devenu citoyen indien, nous dire comment il apprécie l'évolution de la situation au Bangladesh. Je ne suis pas politicien, ni nationalement, ni internationalement. Quand on parle de l'Union soviétique se précipitant, je ne sais guère leurs intentions, mais il y en a d'autres qui auraient pu se précipiter. Et si ceux-là ne l'ont pas fait, ce n'est pas la faute de ceux qui l'ont fait. Je ne vois pas pourquoi on leur reprocherait. Si les soviétiques ont donné des garanties à l'Inde, qui ont permis à l'Inde de prendre une attitude plus nette, plus claire, une attitude qui mettait fin à ce mythe du pacifisme indien, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il y a des limites à tout pacifisme. Et si on vient, tuer mon voisin, je crois que j'ai le devoir, tout pacifiste que je sois, un certain risque que je peux prendre, mais à défendre mon voisin. J'ai peut-être le droit de me laisser tuer, je n'ai pas le droit de laisser tuer mon voisin. Et il y a des limites à tout pacifisme. Même Gandhi, le grand prophète, symbole du pacifisme indien et mondial, Gandhi l'avait dit clairement, il y a des choses que l'on ne peut pas tolérer. Ce n'est pas l'Inde qui a désiré cette guerre, ce n'est même pas l'Inde qui probablement l'a commencée. Ces choses-là sont toujours compliquées. Mais c'est certainement l'Inde qui, après avoir demandé et demandé à tout le monde de se précipiter, oui, d'aller même lentement, mais depuis le mois de juin, depuis le mois de juillet, depuis le mois d'août, on l'avait demandé un peu partout, mais de grâce, faites pression sur le Pakistan. Et demandez-leur d'arrêter ces choses qui sont horribles et injustes. Et d'arrêter cette situation des réfugiés dans ces camps où ils pourrissent. Et personne n'a rien fait. On l'a fait au niveau caritatif, oui. Je l'ai dit. On en est reconnaissant, tout le monde. Au niveau politique, on a fait peu de choses, très peu de choses. Peut-être qu'il y a eu des efforts, oui, peut-être. Faisons foi à ceux qui nous disent qu'ils ont fait des efforts diplomatiques. On n'en a rien vu. Et alors, il y a eu toute cette complication, l'attitude de l'Amérique qui était tellement ambiguë. Mujib l'a dit il y a deux jours, ici à Calcutta. Il l'a bien dit. Nous, du Bangladesh, nous sommes reconnaissants et nous remercions les Américains qui nous ont aidés. Mais nous ne pouvons pas remercier le gouvernement américain qui nous a été hostile. L'homme qui pouvait faire pression sur le Pakistan s'appelait Henry Kissinger. Demain, un dernier tour d'horizon des manips de M. Henry avec la guerre du Vietnam. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. Avec aujourd'hui la participation d'Isabelle Barthes, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Première, et il est 14h.